Nyamba Nondi Malila Amana Clarana Ornella. Elena Loemba Leila Gata Lili Loemba Oh, Bueno, comme si vous n'avez pas la et chantez, c'est pas la vapeur, la vapeur. N'a pas une journée, cause à la très bonne heure, mais on y va, ni moi, ni moi, Lito de Castro, Canangola, Santa Lilunga. Mami Delgado. Docteur Martin Lucas Pali. Bon, comme si vous n'avez pas le cola. Et champion, c'est la masse pour la paix à la client. Ma paix, je vois la cause à la paix à bonheur, maillot. Mais ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Docteur René Kanza, valeur pure. Max Pongo Bumbaja. Thomas. Roxane la Rockstar. Yeah. Docteur Jean-Denis Bombando. Thomas. Romeo Bébé Kodak. Darius Akwala, Jerry Biamani, Andra Kivudi, Laure, Rali Maudel Ikina, Marinelle Giorgio, Bouboul Yundela, Christelle Turban, Dédicace Biangani, Joseph Berti, Les Samouraïs, Etienne Eradi, Papa Nanatan, Malaikana Etienne, Ardiette Nani Vazo, Huberti Bangani.